habituel, Magic Dwima et le shérif Bradley Morel, qu'on retrouvera tout à l'heure. Le docteur Lehmann, notre fidèle consultant en géopolitique. Et mon ami Brett Sinclair. Bonsoir Manuel. Et nous avons sur le plateau donc ce soir deux invités de prestige pour le moment. Peut-être trois plus tard. Nous avons d'abord Antoine Boutz, qui est écrivain, poète, performeur, qui nous vient de Belgique. Et nous avons Guillaume Ollendorf, qui est auteur, traducteur et éditeur, et qui nous vient de Berlin, mais qui est français. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous l'avez compris, chers auditeurs, cette émission sera entièrement consacrée au foot punk. Pourquoi ? Au moment où on l'a annoncé à Magic et au Shérif, leur destination de ce soir, quelle ne fut pas leur surprise de découvrir Monaco sur leur feuille de route ? Donc Monaco et Châteauroux, l'affiche a priori la moins punk du sport, le moins punk qu'il soit, et Magic se chargera certainement de nous le confirmer. Mais est-ce sûr ? Mais est-ce bien sûr ? Nous allons tenter de vous démontrer ce soir que les valeurs punk et celles du foot peuvent cohabiter, que le foot peut être punk et que le punk peut être foot. Ce soir, à peu près comme d'habitude, nous souffrons de problèmes techniques et c'est pas pour autant qu'on va se désunir. On va commencer pour montrer que les valeurs punk peuvent rejoindre celles des valeurs foot par faire parler Antoine Boutz, qui est en face de moi dans le studio actuellement. Antoine est notamment l'auteur de Tout Public, un ouvrage paru aux éditions Les Petits Matins. Qui dit Tout Public dit forcément un peu punk quelque part et forcément un peu football. On écoute donc un extrait de Tout Public. Oui, parce que en fait, moi, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, je bosse sur un projet de philosophie expérimentale du football. Ça tombe bien. C'est un projet artistique que j'ai créé en collaboration avec les organisateurs d'un match de foot ultra important, une sorte d'œuvre d'art collective d'un nouveau genre, une œuvre d'art qui se sert de la scénographie particulière qu'est celle d'un match de foot de grande envergure. Une œuvre d'art qui se passe donc in situ, dans un stade où on voit le public affluer pour venir voir un terrible match de foot. Voilà, le public afflue, se masse sur les gradins. Au moment où le public a accès aux gradins, c'est le début de l'œuvre d'art d'ailleurs. Une œuvre d'art qui met des plombs à se réaliser puisque manque de peau pour le public, eh bien, les joueurs prennent un temps immense à arriver. L'attente dure des plombes. Une fine pluie tombe sur la foule et sur l'herbe. Et là, c'est très intéressant puisque le public venu spécifiquement voir mon œuvre d'art et qui est donc disséminé dans le public des supporters du match, eh bien, ce public amateur d'art a été mis au courant à l'avance du fait qu'il s'agit en fait d'une œuvre d'art qui questionne la question de l'attente. J'avais écrit ça sur le carton d'invitation, avec quelques notions philosophiques à ce propos. Philosophiques, mais également théologiques, puisque la question de l'attente du retour de Jésus sur Terre est évidemment une problématique théologique majeure. Or donc, voilà les gens du public amateur d'art avertis de ce concept de l'attente. Ils attendent, comme tout le monde, le début du match. Début du match qui ne vient pas. Les heures passent. La fine pluie continue de tomber. Ce qui est très poétique quand on la regarde passer devant les lumières puissantes. Or, la foule des supporters ne cache pas son mécontentement. Personne ne sait ce qui se passe. Les supporters deviennent nerveux. Ça hurle dans tous les sens. Et là, évidemment, naturellement, les amateurs d'art tentent tant bien que mal d'expliquer à leurs voisins qu'il s'agit d'une œuvre conceptuelle sur la question de l'attente. Ils tentent d'expliquer du mieux qu'ils peuvent grâce au texte de l'invitation, qu'entre-temps ils ont eu le temps de potasser, la pertinence du flottement temporel propre à ce moment d'attente. Mais rien n'y fait. La plupart des supporters ne veulent rien entendre. À part quelques femmes présentes là par amour pour leur mec amateur de foot, mais qui n'en ont en fait rien à branler du match, et qui, pour certaines d'entre elles en tout cas, malgré ou grâce cette pluie fine qui donne un lustre particulier au visage, s'amourachent de l'un ou l'autre amateur d'art venu leur expliquer le sens caché de la situation qu'ils sont occupés à vivre en ce moment. Voilà, voilà. L'attente s'éternise. La tension monte. L'humidité gagne du terrain. Certains n'hésitent pas à aller s'acheter un hot dog. D'autres sont déjà passablement sous. D'autres encore secouent les tribunes, tentent de tout casser, etc. Tandis que nos amis amateurs d'art, eux, tentent de calmer le jeu avec leurs explications. Toujours est-il qu'à un moment donné, toute la foule des supporters hurle comme un seul homme, car les joueurs entrent en scène. Mais, problème, car ces hommes, plutôt que de se mettre à jouer au foot comme prévu, se précipitent sur les gradins pour demander aux gens du public, qui préalablement avaient été chercher des hot dogs, si par hasard ils comptaient tout manger, si par hasard il n'y avait pas moyen d'en mordre un bout. Et c'est là, c'est à ce moment-là, tandis que les 22 joueurs sont là dans les tribunes occupés à manger des hot dogs, que les gens du public se rendent compte petit à petit, en les questionnant, qu'en fait, ils ne sont pas les joueurs des deux équipes attendues pour faire le match. En effet, ce que j'ai prévu comme astuce dans mon œuvre d'art expérimental, c'est de philosopher en acte sur la question de la monnaie humaine. De la monnaie humaine en tant que moyen de raccourcir l'attente eschatologique d'un monde meilleur. Puisque voilà, j'ai en fait embauché pour cette œuvre d'art des prédicateurs spécialisés dans la conversion éclair aux valeurs primitives du christianisme. Je les ai embauchés pour qu'ils aillent prêcher dans les vestiaires du match et convertissent illico presto l'ensemble des joueurs. Ce qui n'a pas été une mince affaire, mais finalement a marché. Finalement, ça a marché et l'ensemble des joueurs s'est retrouvé là, à se demander ce qu'ils foutaient là, à gagner de l'or à l'appel, tandis que, par exemple, en République démocratique du Congo, toutes les minutes, quelqu'un meurt de faim. Ils se retrouvent là à méditer ça. C'est véritablement une grande tension qui s'installe dans les vestiaires, visible à l'œil nu par quelques amateurs d'art VIP qui ont payé un ticket spécial pour assister à cette scène. Une grande tension qui se résout par une décision collective. Non, nous n'irons pas jouer. Ce monde est trop injuste. Nous ne voulons plus participer à cette mascarade. Ils discutent entre eux, tiennent un conciliabule dans les vestiaires et prononcent des paroles extrêmement touchantes. Dehors, la foule hurle, trempée, et demande à voir du jeu. Et du coup, les joueurs se disent, avec beaucoup d'humour, « Eh bien, avec notre salaire mirobolant, payons des sans-papiers, tiens, pour aller jouer le match à notre place. » Hop, ni une ni deux, quelques volontaires s'en vont chercher des sans-papiers, qui arrivent bientôt, affamés d'ailleurs, entre parenthèses, et montent sur le terrain avec les conséquences que l'on sait. Or, ce qui est marrant, c'est qu'entre-temps, pendant ce long temps durant lequel les gens du public attendent l'événement du match, eh bien, au vestiaire, des décisions drastiques sont prises. Les joueurs décident de mettre en commun tout leur salaire, d'affréter des jets privés direction le Congo pour remplir celui-ci de candidats à l'immigration clandestine. Les heures passent. Le public est exaspéré, liquéfié. Les amateurs d'art essayent de prêcher la bonne nouvelle de l'attente comme questionnement artistique pertinent, mais les supporters sont complètement excédés par le jeu minable des sans-papiers sur le terrain, payés pour remplacer les stars du foot reconverties. Alors, plusieurs heures après, les joueurs convertis se pointent, finalement, sur le terrain, et expliquent, sans que personne n'entende quoi que ce soit à cause du bruit, que des migrants arrivent du Congo par avion entier, ici même, dans le stade, et qui prient les supporters de bien vouloir leur réserver bon accueil. Boum, les migrants arrivent, sur le terrain, personne ne comprend rien, ni eux, ni les supporters, ni d'ailleurs les sans-papiers embauchés. C'est vraiment le chaos général, une sorte d'apocalypse faite de corps humains, ce qui évidemment, pose toute une série de questions philosophiques très pertinentes, tellement pertinente, en fait, qu'il nous faudra plusieurs jours pour en venir à bout. Merci Antoine Bout de cette performance en direct sur Radio Galère, chers auditeurs. Deux choses à noter pour vous dans votre actualité. Tout d'abord, votre présence à Marseille, venue de votre lointaine Belgique pour le festival Actoral, vous a amené à participer à une première lecture la semaine dernière à la librairie L'Histoire de l'œil et à proposer une soirée ensuite avec deux auteurs, Emmanuel Pierre et Sandra Moussampès. Et demain, à partir de demain, vous participez au travail de l'IRMAR, l'Institut de recherche menant à rien, je crois. C'est ça. Deux mots sur ce spectacle ou pas ? Oui, donc c'est l'Institut de recherche menant à rien qui bosse pour l'instant sur le fond des choses. Ah. Donc c'est un spectacle qui travaille sur le fond des choses. Et moi, je suis là pour... Leur filer la main. Voilà. Il y a une belle histoire de grands cubes noirs, non ? Il y a un cube noir, ouais. Il y a un cube blanc, il y a des stèles, il y a des... C'est très très complexe, hein, le fond des choses. Ça parle d'accidents vasculaires cérébraux aussi, etc. C'est donc demain à la Friche. Yes. À quelle heure ? 20h30, je crois. Très bien, on y sera, certainement. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. On vous libère, je crois, parce que vous avez beaucoup de choses à faire ce soir, notamment préparer le spectacle de demain. Voilà. Bon. Merci. Merci. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. On enchaîne, mon cher Brett, avec autre chose. Bah, je vous propose qu'on aille voir déjà nos commentateurs en direct du Stade Louis II, malgré nos problèmes techniques récurrents. Ouais. Magic, vous avez peut-être quelque chose à nous dire sur le match en cours, donc Monaco, la Berrichonne-Châteauroux. Allô, vous m'entendez ? Bien sûr. Bien sûr, Magic, comme toujours. Ah, parce que, est-ce que les soucis techniques s'estompent ? Les soucis techniques s'estompent, les soucis humains naissent. Très bien, très bien. Ainsi va la vie. Donc, je prends l'émission en cours. Je suis au stade Louis II actuellement dans les loges, les formidables loges très luxueuses de ce stade, de cette principauté-là à Monte-Carlo. Pour le match, un match important de Ligue 2, Monaco qui reçoit Châteauroux. Monaco actuellement deuxième de la Ligue 2. Contre Châteauroux, 12e. L'enjeu de ce soir, il est très simple. Il est pour Monaco de reprendre la tête. Vous savez que Monaco a de grandes ambitions pour cette année, évidemment, de finir premier de Ligue 2 et remonter en Ligue 1. La deuxième place actuellement avec le même nombre de points que Angers, premier actuellement, à un point de différence. Donc si Monaco gagne ce soir, eh bien Monaco repasse en tête, ce qui serait dans ses ambitions. Et quant à Châteauroux, eh bien qui végète pour l'instant à la 12e place, c'est de remonter dans la première partie du tableau du classement de Ligue 2. Le score pour l'instant est toujours vierge, 0-0, ce qui pour l'instant est une contre-performance assez magistrale pour l'équipe de Claudio Ranieri, l'entraîneur de Monaco. Et donc toujours 0-0 malgré cette pluie de stars de Ligue 2, avec le Ibra de la Ligue 2, notre cher Ibrahima Touré, 9 buts, meilleur buteur pour l'instant, mais qui est resté à tonne. Alors je vous parle, donc je vous repasse la main, toujours un match vierge, un match nul, un match à Monaco. Magic, on voulait aussi quand même vous poser cette question, vous qui êtes sur place, on annonçait le thème de l'émission, Footpunk, comment vous pensez que cette partie de football peut s'inscrire dans cette thématique ? Le punk à Monaco ? Par exemple ouais. Écoutez, j'ai appris le thème de l'émission assez tardivement. Et avant le match, ici au Stade Louis II, j'ai discuté un petit peu avec les rares spectateurs qui se trouvent ici au stade. Ils sont tellement rares qu'ils sont assez affables et veulent bien parler à des journalistes ou à des gens qui leur ressemblent. Je leur ai posé la question du punk. La première réaction, évidemment, ça a été... un grand fou rire. Et puis j'en ai trouvé un qui m'a dit, écoutez, il y a un groupe, il existe, et c'est une annonce officielle, il existe un groupe de punk monégasque qui se produit pas souvent à Monaco, Il faut le dire, j'ai oublié le nom, de, je crois que c'est Imoten, le nom, c'est, ce sont des initiales pour décrire je ne sais quoi. J'ai pas eu l'occasion de, d'en savoir plus, mais il paraît qu'il y a un groupe de punk, un véritable punk noise sur Monaco. Après, au-delà de ça, je dois vous avouer que ça s'arrête là. Très bien, Magic, je trouve que vous avez bien travaillé votre sujet cette semaine, c'est assez correct. Bravo Magic. Et alors d'habitude vous êtes plutôt accompagné normalement pour les commentaires. On sait que les semaines passées, en, notamment en Irlande et en Suède, on a eu quelques problèmes à avoir le shérif à vos côtés, la justice s'en est mêlée, tout ça. Mais et qu'en est-il cette semaine? On ne l'entend pas pour l'instant. On est une fois de plus inquiet. Il arrive. Je le vois sortir là. Vous savez que nous sommes logés dans des loges assez luxueuses, y compris pour les journalistes. Il était au spa, je crois, ou à la piscine. Je le vois arriver à travers les fenêtres vitrées là. Il arrive. J'en profite pour lui passer le micro. Il va ah oui, avec plaisir, oui. Ces formidables installations ici au Stade Louis II, peut-être. On voudrait avoir ses impressions et sur le match Monaco-Châteauroux de ce soir. Allô. Allô. Oui, allô, shérif. Allô, les garçons. Oui, shérif. Écoutez, c'est formidable Monaco. Hein. Bon, ça vaut pas forcément l'Irlande parce que bon, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, c'est formidable et je sais pas si Magic vous a dit que j'étais au spa. Mais on a touché deux mots, effectivement. Il a raison, j'étais au spa, les cigares sont vraiment incroyables. Et j'étais, vous allez rire, mais j'étais avec, je ne sais pas si vous a dit aussi, qu'on s'est quand même renseigné pendant cette semaine à Monaco. Et on a cherché un groupe de punk à Monaco. Et on a trouvé un groupe de punk à Monaco. On était avec les petits gars de Joe Lamouk, figurez-vous. Ouais. Et bon, si tout va bien, hein, si on n'a pas, parce qu'eux aussi, ils sont au spa avec Jens. Jens aussi devait venir ce soir, mais je crois qu'il va rester au spa. Si on arrive à le sortir de spa, on l'amène. Et puis si on arrive à sortir Joe Lamouk du spa, on vous l'amène aussi. Quant au match, on s'en fout pas mal, je dois bien vous dire. De toute façon, il y a 4 personnes dans le stade comme d'habitude et tout le monde est au spa en fait. À part Magic qui lui fait son métier sérieusement, qui regarde le match, mais je crois bien que c'est le seul dans cette splendide enceinte vide du stade Louis II, me semble-t-il. Bah, j'y retourne, moi. Allez, salut les gars. Hein. Ouais. Je vous écoute par contre, hein. Il y a des systèmes radio formidables là. Et d'ailleurs, il y a du son. Au cas où si vous n'avez pas de son, on a un petit son punk, nous, au spa, que je peux aller vous chercher ça tout de suite, si vous voulez. Avec grand plaisir, shérif. On vous écoute. Je vous envoie ça dans 4 secondes, allez. Allez, le temps de courir. Allez, j'y vais. À tout à l'heure, Magic. Tu retournes te venir, là? Ouais, je te ramène le champagne. Ok. Je repasse la main donc au studio pour la musique, hein, c'est bien cela? Et je crois que c'est le moment d'écouter Joe Lamouk, visiblement. Petite correction, ce n'était pas Joe Lamouk, mais bien ZX qui se trouvait dans ce mauvais spa. Pour la suite de l'émission, Manuel. Eh oui, mon cher Brett. Alors bon, il faut vous expliquer, chers auditeurs, que ce soir, c'est une émission un peu particulière pour nous. parce que quelques problèmes techniques se dressent devant nous. Mais on va, avant de présenter notre autre invité prestigieux, peut-être donner la parole au docteur, qui pour l'instant ne s'est pas beaucoup exprimé. Docteur, je sais que la ville de Monaco vous intéresse de près, vous y avez séjourné, vous avez officié un petit peu à l'université monégasque. Oui, très belle université. Et éventuellement, sur ce thème foot punk, on a vu que c'était difficile de convaincre Magic et de la particularité punk de Monaco. Peut-être un peu moins de Châteauroux, mais on évoquera éventuellement le problème plus tard. Vous avez peut-être un avis sur la question ? Sur la question punk à Monaco ? Bah, je pense que Monaco, comme toutes ces métropoles du sud de la France, sont sujettes à une forte pression, une pression fiscale, qu'ils savent juguler. Hein. Là-dessus, il n'y a pas à revoir... pas revoir la fiscalité monégasque. Et je pense qu'effectivement, le punk est difficilement conciliable à une telle fiscalité. Donc je pense qu'on pourrait un petit peu enchaîner sur ce thème qui nous intéresse aussi. Parce que malgré les dires de Karim, Magic, moi je ne vois pas trop... Là je ne vois pas trop où on va à Monaco sur le punk. Donc pas plus. Bon... quant à Châteauroux, je crois que vous n'y avez jamais mis les pieds. Si, peut-être une fois en passant pour aller dans la Vienne, en descendant de la capitale. Oui, parce qu'on sait que on connaît vos attaches. On connaît vos déplacements. Oui, oui, Châteauroux, c'est une ville difficile à parcourir. Hein. Mauvaise liaison ferroviaire, on n'a pas non plus des rocades qui sont très entretenues. Donc moi, je préfère Bourges. Je préfère Bourges, hein, voilà. Tout simplement. Dans le Berry, il faut savoir choisir, hein, c'est Châteauroux-Bourges, pour moi c'est Bourges. Donc Châteauroux, je n'ai rien contre, hein, mis à part tout de même qu'elle sert d'équipe B à un certain club, enfin bon, par le passé, il y avait quelques liens avec des clubs d'une métropole un peu plus au nord, donc qui ne me satisfont pas pleinement, donc j'ai essayé d'éviter Châteauroux. Bon, on reparlera de toute façon hein, de la Berrichonne plus tard dans cette émission, parce que je crois qu'on aura un petit peu le temps de le faire. Brett, on avait un sujet formidable à évoquer ce soir, c'était le club de Sampaoli, un club hambourgeois. Tout à fait. Qu'en est-il ? Est-ce que techniquement il est possible de faire quelque chose ? Je sais que vous êtes allé au studio pour voir ce qui se passait. Ben, nous sommes face à un problème qui n'est ni vraiment un problème technique, ni vraiment un problème physique, mais un problème quasiment déontologique. Nous voulions parler de Sampaoli, nous avions un invité pour ça, un certain Jens, qui est absent ce soir, absent de dernière minute. Alors nous avons une interview du vice-président du club de Sampaoli, qu'on pourrait éventuellement passer pour donner un aperçu de ce qu'on aurait pu Bien dire sûr. Sur le football et le punk. Bien sûr. Parce que Sampaoli peut être une des références pour parler de la cohabitation des valeurs punk et des valeurs footballistiques. Et donc ce vice-président qui s'appelle Bernd George Spies. Qui est quand même un industriel, je crois, un docteur en économie, un collègue du docteur Lehmann, évidemment. Vous le connaissez, j'imagine, certainement bien. Explique très très bien ce que représente, enfin, quelle valeur véhicule le club de Sampaoli. Et je propose qu'on écoute une première partie de l'extrait, qui est doublée de très belle manière. Je crois qu'il y a eu un gros travail. Un gros travail de doublage, de studio, bien sûr. Oui. Alors, en technique, on y va ? Je pense que ce qui fait que ce club est spécial n'est pas qu'une question de football, ni seulement de ce qui se passe sur le terrain. C'est une ambiance, un mode de vie. C'est un club qui pense que le football est immensément politique. Nous ne partageons pas le point de vue que le football n'est pas politique. Le football participe au débat politique. Et c'est pour ça que les clubs se doivent d'en être conscients. Revenons quelques 20 ans en arrière, le quartier de Sampaoli était le quartier traditionnel des ouvriers du chantier naval de Hambourg. Les travailleurs ordinaires vivaient là. Pendant les années 80, il y a eu une forte récession économique sur le port, avec de grandes modifications structurelles. Beaucoup d'ouvriers ont quitté le quartier. Beaucoup d'artistes et de rebelles sont venus s'installer dans les vieilles maisons. Et soudainement, la composition sociale du quartier s'est trouvée modifiée. Les gens ont alors découvert ce petit club vieux de 70 ans, Le caractère du club a changé complètement. Je pense que c'est le premier club à avoir dit oui avec ses supporters au fait que le football soit politique. Il a fallu un moment au conseil d'administration et au comité exécutif pour l'accepter. Oui, nous sommes sensibles aux questions sociales. Le club est sensible aux problèmes de société, à l'écoute. Nous sommes le premier club en Allemagne à avoir fait passer des directives. Par exemple, nous interdisons dans notre stade, le Millerntor Stadion, les slogans homophobes, les chants racistes. Je veux dire par là que s'il se trouve des personnes enclines à chanter des chants racistes ou même misogynes, les gens leur diront d'arrêter leur connerie. Voilà certainement ce qui est l'essence du club, être engagé socialement et politiquement. Nous pensons le football d'une manière différente. Ce qui fait que peut-être vous trouverez à Hambourg des gens pour et des gens contre. Mais si vous allez sur un campus universitaire à Munich, et que vous trouvez une étudiante en sociologie portant un t-shirt de St. Pauli, ce n'est pas parce qu'elle est fan de football ou venue au stadion, c'est qu'elle aime l'état d'esprit. L'image du club est d'une certaine manière détachée de ce qui se passe sur le terrain. Alors, c'est très intéressant, mon cher Brett, ce qu'on vient d'entendre. Fort intéressant. Comment on peut résumer cette première partie d'interview? Ce qu'explique donc le vice-président de São Paulo, c'est qu'en fait, le club São Paulo s'affiche ouvertement comme un club politique, ce qu'il explique plutôt par une véritable implication dans le milieu social, dans le quartier de São Paulo, qui est un quartier quand même particulier de Hambourg. Je pense que le docteur pourra en parler peut-être précisément. Mais ouais, c'est un quartier ouvrier à l'origine, qui est victime d'une grosse... récession sur le port, perd un petit peu ses ouvriers, et à la place viennent s'installer des artistes et des rebelles en tout genre. Et les valeurs véhiculées par cette faune-là se retrouvent pleinement dans le club, qui sont des valeurs qui sont, on pourrait dire, liées à certains... Enfin, qu'on retrouve dans certains groupes de punk, qui sont l'antifascisme, l'antiracisme, et voilà, c'est ce qu'explique le vice-président. Il explique aussi qu'en fait, de par cette image et par ces valeurs que véhicule le club, c'est un club qui a beaucoup de supporters à São Paulo, évidemment, mais bien sûr un peu partout dans le monde pour les gens qui défendent ces valeurs. Et voilà. Alors, avant de donner la parole au docteur qui va nous parler un petit peu plus précisément de ce quartier, peut-être qu'il faut rappeler deux choses finalement sur ce club de São Paulo. C'est que c'est un club qui... On l'entend, c'est construit sur des valeurs extrêmement particulières, notamment dans le monde du football d'aujourd'hui, mais qui a quand même réussi sportivement à atteindre l'élite allemande, c'est-à-dire la Bundesliga, et à y figurer honnêtement et honorablement plusieurs saisons de suite, je ne sais plus trop, plutôt par intermittence, voilà. Mais qui est quand même souvent monté, qui est souvent descendu aussi, mais je crois que... c'est pas forcément non plus totalement les objectifs du club, en tout cas des supporters. Pour le club, c'est autre chose, parce qu'il y a quand même une question financière qui se pose, mais... Alors, São Paulo, docteur, vous y êtes allé, je crois, en 2006, oui. Pour un séminaire. Un séminaire à São Paulo, oui. Ça m'a permis quand même de mieux saisir, en fait, ce quartier et le club qui en est l'émanation, au final. Dans le sens où ce qui est important de voir dans le cas de São Paulo... c'est le contexte des années 80. Le club de São Paulo bascule finalement dans les années 80 et il y a une jonction en réalité à ce moment-là avec le mouvement punk. São Paulo à la base n'est pas un club antifasciste. C'est uniquement dans ce basculement des années 70 et 80, dans cette opposition très forte dans la ville de Hambourg qui est une ville populaire, donc qui est sujette d'une part, c'est une ville populaire, c'est une ville de la globalisation en fait. Hambourg est le cœur de la Hanse depuis le Moyen-Âge, et on est tout de même dans une ville qui est très bourgeoise d'une part et d'autre part très ouvrière, une ville portuaire comme l'est quelque part aussi Marseille en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est ce choix donc politique d'une partie de la ville de s'inscrire dans le club et de transformer ce club en vitrine finalement politique. Donc on a un phénomène qui est finalement extrêmement rare, mais qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Alors se pose le problème, vous l'avez souligné, ce problème, ce paradoxe en réalité. Qu'est-ce qu'un club qui se veut libertaire, antifasciste, anti-homophobe, Qu'est-ce qu'un club comme celui-là peut faire dans une logique marketing qui est la nôtre? Eh bien, ce club a choisi quand même de s'inscrire dans cette logique-là, tout en essayant de prendre du recul. Donc, c'est un paradoxe qui est intéressant à étudier, parce que quel impact on peut avoir sur une scène internationale si on n'a pas la lisibilité de Sankt-Pauli, et seul finalement le système marketing peut le permettre. Donc voilà, on ne va pas crier au loup si Sankt-Pauli organise des événements à portée internationale, puisque d'une autre part, Sankt-Pauli, c'est un club qui investit énormément dans les quartiers populaires, dans l'éducation. C'est un club, par exemple, qui a aussi une équipe de rugby féminine, notamment, qui est championne d'Allemagne. Donc c'est un club qui a forcément ses paradoxes, c'est celui du foot et du punk de toute façon, mais je trouve qu'on s'y retrouve tout de même assez bien avec ce club. Merci docteur, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a la deuxième partie de ce magnifique reportage du vice-président de Sankt-Pauli qui explique pas mal de choses sur ce que vous venez de dire. On va écouter donc la deuxième partie du documentaire et on revient après sur ces questions avec vous docteur. Le quartier de Sankt-Pauli est l'un des plus pauvres de Hambourg. Donc c'est une évidence pour le club que de dire « Nous avons une responsabilité ». Je vais vous dire quand les choses commencent. Nous voulons que nos joueurs soient sensibilisés aux problèmes sociaux du quartier. Au début de chaque saison, nous organisons une promenade guidée dans Sankt-Pauli afin que les nouveaux joueurs comprennent bien cette responsabilité sociale et ce qu'il se passe ici. Le club a fêté ses 100 ans il y a 2 ans. Nous avons organisé un grand concert dans notre stade où nous avons reçu 25 000 personnes et avons fait un bénéfice net de 120 000 euros. Nous n'avons pas empoché l'argent, mais nous l'avons redistribué aux 40 initiatives à caractère social du quartier. Voilà une chose. Un autre exemple, Viva Con Agua, une initiative mise en place par un ancien joueur de Sankt-Pauli, Veli Adrien. Une autre belle histoire typique de Sankt-Pauli. Nous avions organisé un camp d'entraînement à Cuba. Ils sont allés à Cuba, ça leur a plu. Ils sont revenus et ils ont réalisé soudainement combien il était important d'aider les initiatives qui permettraient aux gens d'accéder à l'eau. Un seul joueur n'a pas de passeport allemand, Carlos Zambrano, péruvien. Tous les autres ont un passeport allemand. Qu'ils aient la peau noire ou brune, ça ne pose pas de problème. Et il n'y a pas de motivation raciste ou nationaliste derrière cela. Mais nous pensons qu'en tant que club relativement petit, nous connaissons le marché allemand, nous connaissons le marché du sud du Danemark très bien, nous ne voulons pas recruter un jeune Nigérian de 17 ans. Nous pensons qu'éthiquement, ce n'est pas correct, car nous pensons ne pas être en mesure d'assurer les processus d'accueil et d'adaptation pour le joueur, chose que les grands clubs peuvent réussir beaucoup mieux. Cela changera-t-il dans le futur? Je ne sais pas. Je pense que nous ferons toujours très attention à la personnalité ou au type de joueur que l'on recrute. Notre souhait étant que les joueurs s'identifient à Sankt-Pauli. Nous ne voulons pas simplement de bons joueurs qui ne pensent qu'à leur chèque et à conduire des Lamborghini, sans accorder aucun intérêt à l'histoire et à l'essence de ce club. Voilà pourquoi nous vérifions attentivement la personnalité de nos joueurs, parce que nous voulons qu'ils adhèrent à l'esprit du club. Alors, c'est extrêmement intéressant. Une fois de plus, ce qu'on vient d'entendre, on se rend compte, bien évidemment, et c'est dommage que notre ami Jens ne soit pas là pour rebondir sur le sujet. Pourquoi? Parce que Jens est un bourgeois et que Jens est un des types les plus hostiles qu'on connaisse au sujet du football. Sauf qu'il aime ce club de Sankt-Pauli, donc il aurait, je pense, aimé être avec nous ce soir pour pouvoir rebondir sur l'interview du président. Bref, vous nous rappelez le nom du président du club? Bernd George Speis. Ouais. Speis dans un violon, tout ça, quoi. Il a eu l'école difficile, Bernd George. Alors, dans cette deuxième partie de l'interview, Brett, le président revient sur quelques initiatives, en particulier certaines de joueurs, ce qu'on pouvait peut-être demander à notre invité prestigieux sur place, c'est est-ce que la renommée de ce club de São Paulo est si réelle que ça en Allemagne? Je ne sais pas. Je crois que Guillaume Hollendorf, la question est pour vous. Est-ce que... Je ne peux pas en dire grand-chose parce que je ne sais rien sur ce club ou presque. Il y a une boutique à Kreuzberg, parce que j'habite à Berlin, il y a une boutique à Kreuzberg qui est spécialisée dans la vente de merchandising. Et je me suis toujours demandé pourquoi ce merchandising était plein de têtes de mort et de drapeaux noirs. Donc maintenant, ça fait sens, mais j'apprends là. J'apprends en direct, je dois vous dire. Oui, parce que le symbole du club de São Paulo est la tête de mort. Oui, visiblement, c'est un logo pirate. Ouais. Ouais. Totenkopf. Totenkopf. Alors attention à ne pas confondre avec la Totenkopf des SS, mais ce n'est pas la même. Tête de mort en allemand. Merci docteur, vous êtes là pour ça. qu'est-ce que je voulais dire moi à propos de São Paulo? C'est que, pour rebondir deux secondes puisqu'on n'a pas Jens, moi ça me faisait penser à deux autres trucs. C'est la semaine, il y a 15 jours, on a parlé d'un club qui était l'IFK Göteborg et qui a eu une heure de gloire aussi en étant vainqueur de la Coupe de l'UEFA contre un club de le Hambourg SV, je crois, c'est ça le club de Hambourg, et tout en étant un club amateur. Et il est vrai que Magic, vous nous interrompez quand vous voulez pour parler du match. Écoutez, le match est en train de se terminer. Juste pour vous signaler, donc nous jouons la dernière minute réglementaire du match. Nous venons à peine de rentrer dans les 3 minutes de temps additionnel. Le score vierge, je ne vous ai pas arrêté jusqu'à présent, le score est toujours vierge, donc 0-0 entre Monaco et Châteauroux, ce qui n'est pas une excellente opération pour l'instant pour Monaco, puisque Monaco aurait dû gagner facilement ce match. Il a outrageusement dominé la rencontre avec plus de 70% de possession de la balle. Je m'arrête tout de suite, vous m'en renvoyez la balle quand vous avez fini, mais voilà, le match est sur le point de se terminer pour l'instant. Bon, juste pour terminer sur cette question, c'est qu'à l'époque, l'IFK Göteborg avait aussi, docteur, vous vous en souvenez, on en parlait avec l'ami Père, incarné complètement la société suédoise et la société suédoise de cette ville, ce port du sud de la Suède. Ce que je me demandais, Brett et docteur et Guillaume, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que São Paulo également est un porte-drapeau de cette ville de Hambourg, qu'est-ce que ça représente vraiment? Pour Hambourg, le docteur va le dire mieux que moi, mais il y a deux clubs à Hambourg hein, quand même. Il y a le HSV. Sportverein. Le Sportverein de Hambourg. J'aurais quand même envie de dire que Hambourg est un peu en train de perdre sa réputation de ville anarchiste, gauchiste, qu'elle a eu longtemps, parce qu'elle est en pleine gentrification, un mouvement assez fort d'investissement de la ville par un nouveau public dont tous les artistes étaient un peu une tête de pont. Et tout cela a été un procédé assez long. Il y a un film de Fatih Akin sur la question. On en parlait cet après-midi. Ouais. Soul Kitchen, qui est un peu plus profond qu'il n'y paraît d'ailleurs. Et bref, donc je me demande un petit peu si. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas la question du club particulièrement, mais je me demande un petit peu si ce n'est pas un petit peu un peu les derniers des Mohicans ou quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a très fréquemment ces phénomènes de popularité des clubs à l'échelle nationale, qui ont en général remisé sur une ville qui n'est pas la capitale. C'est un phénomène qu'on va retrouver dans quasiment tous les championnats européens. Donc, São Paulo, Marseille, Göteborg, on est finalement dans une lignée qui est celle finalement de la contestation, du petit contre le gros. Dans le cas de São Paulo, et aussi parfois dans celui de Marseille, vu quand on a bien vu le match d'hier, je trouve que ce phénomène a toujours une forme de réalité. Ensuite, on en parlait avec São Paulo, tout le problème, c'est que forcément, derrière cette question d'image et de représentation, il y a une financiarisation qui est grandissante et qui fait qu'il est extrêmement difficile de se permettre d'avoir une représentativité quand on n'en a pas les moyens. Donc voilà, je suis peiné de ce qu'on dit sur Hambourg, parce que j'aime cet aspect finalement libertaire, revendicatif d'Hambourg. Et bon, je ne peux que souhaiter que Guillaume nous mente. Mais... Mais je ne sais pas que... si je mens, mais je peux encore avoir tort. Mais je crois que même à l'échelle du club, justement, ce que vous dites, docteur, c'est que justement les vrais problèmes sont en train de se poser pour le club de Sampdoria, qui a quand même quelques ambitions footballistiques, même si elles sont légères par rapport à d'autres clubs. C'est que voilà, vient se poser le problème de la direction, enfin, entre la direction et les supporters pur et dur, c'est que justement pour assurer un petit peu un niveau de football intéressant, il faut faire rentrer de l'argent, il faut du business, il faut du marketing. Et les supporters purs et durs de Sampdoria commencent, enfin, pour certaines mesures que je ne peux pas citer, commencent à faire grise mine sur le fonctionnement du club. Je crois que pour certains supporters, ils préfèrent réellement que le club soit en 3e division et continue à vivre cette vie de petit club qui se bat contre le football en général, pas forcément contre, pour revenir à Marseille, Paris, même à deux échelles différentes sur le recrutement, tout ça. Sampdoria, c'est ouvertement, c'est face au football mondial, enfin au football en tant que tel, plutôt qu'en Allemagne ou ne serait-ce qu'en Hambourg ou le deuxième club d'Hambourg ou autre. C'est marrant parce qu'à Berlin, il y a un club qui s'appelle le FC Union, qui est un club qui, je crois, est en 3e division, voire en 4e maintenant, qui est le club qui a le plus de succès à Berlin. Tous leurs matchs sont pleins et tout le public qui vient est un public, c'est un ancien club de l'Allemagne de l'Est. Le public qui vient est souvent des Allemands de l'Est, mais pas seulement. Il y a aussi des Allemands de l'Ouest qui vont les voir. Et c'est un public assez, assez revendicatif, comme ça, assez prolétaire. Je ne savais pas que Sampdoria faisait la même chose, finalement. Bah, je crois qu'ils cultivent ça. Puis je crois que même au niveau de l'intérieur du stade, je crois qu'après, il y a tout un folklore et tout ça. Bon, il y a des chansons et tout ça. Puis je crois qu'il n'y a pas de place assise dans le stade de Sampdoria, je crois que. Ou peu. Alors, enfin, il y a des loges, éventuellement. Mais, oui, le stade a été rénové, en fait. Et il y a maintenant plus de places debout qu'il y en avait par le passé. Donc il y a beaucoup. Ah, ils ont rajouté les places debout. Ils ont rajouté les places debout pour rajouter au caractère populaire du club. Puis ils ont ce truc extraordinairement allemand qui est ce petit train saucisse. Je ne sais pas si vous connaissez le petit train saucisse, ça en jette. Mais je crois qu'autour des loges, il y a un petit train qui fait le tour de... je crois que le shérif a déjà aperçu ce petit train saucisse, shérif, une fois ou deux. Vous m'entendez là? Ah, bien sûr, shérif. Ouais, bonjour, j'étais au spa, hein. j'ai pas écouté tout ce que vous avez dit, je suis sûr que c'était très intéressant. J'ai une mauvaise nouvelle, juste pour vous dire que Yann et Joe Lamoux sont vraiment complètement ivres champagne dans le spa, ils font des concours de bulles, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en état, ce serait pas prudent pour l'émission qui est quand même une émission de haute tenue, n'est-ce pas? Des bâtons d'Anguirou quand même, ça serait malvenu. Et... Pardon, excusez-moi, une grosse remontée de champagne. Et par contre, qu'est-ce que... Ouais, c'est bon, allez, ça va maintenant. Excusez-moi, c'est les mecs de ZX qui m'ont fait une petite blague tout à l'heure. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, bah, Sampdoria, je sais pas si vous avez parlé du fameux train saucisse. On a évoqué le sujet en pensant que vous pourriez nous éclairer un petit peu. Écoutez, le train saucisse, c'est quand même quelque chose de formidable. On en parlait avec Jens tout à l'heure, qui a ramené d'ailleurs des saucisses de Sampdoria. De la Wurst, comme on dit. Et ouais, Sampdoria, c'est pas qu'une équipe de foot. Je sais pas si vous avez parlé de ça. J'imagine que vous avez dit tout un tas de trucs intéressants. Le docteur vous avez dit que le docteur était en séminaire en 2006 à Hambourg. Ah oui, très très intéressant le séminaire. Les collègues germains sont vraiment des gens qui savent vivre. Et par rapport au train saucisse, c'est vraiment ça l'histoire. Et juste dire que Sampdoria, ouais, c'est pas qu'une équipe de foot, c'est un quartier. Et le lien, le fameux lien dont Jens aurait pu parler très très bien s'il n'était pas ivre mort dans la piscine avec les petits gars monégasques de Joe Lamoux, c'est notamment la Rote Flora qui est un squat en fait à Hambourg. Un squat qui a ouvert à la fin des années 70, qui avait fermé et qui a réouvert dans le courant des années 90, si je ne m'abuse. Et effectivement, c'est ce qui fait le lien entre la dominante punk alternative libertaire et le club de Sampdoria. Cette dimension antifasciste est vraiment très très punk. Il y a un des joueurs mythiques de Sampdoria dont j'ai oublié le nom qui avait pour habitude de rentrer sur le terrain avec un paquet de cigarettes dans ses chaussettes et qui à la mi-temps buvait des bières juste comme on fait tous les uns les autres quoi. Et je crois que vraiment ils savent vivre à Sampdoria. La Wurst, la bière. Ah tiens, je vais vous passer le Magic parce que la Magic est en train de... Ma Magic a la bouche pleine. Il a de la saucisse, ouais. Le petit Magic. Je vous le passe et puis moi je retourne au spa. Oui, c'est pourquoi? Oui, vous m'entendez? Magic, on voudrait savoir ce qu'il en est un petit peu de ce match puisque j'ai l'impression que votre compère s'occupe comme il peut, mais... on compte sur votre sérieux pour terminer cette rencontre. Écoutez, le match est terminé. On se restaurait là. notre casse-croûte offert par l'équipe. Donc le match est... Excusez-nous. Le match s'est terminé il y a quelques minutes, donc sur le toujours le même score, 0-0. Est-ce qu'on peut parler du match de 2 minutes? Bien sûr, avec plaisir. Bien, alors, même 3 si vous voulez. Alors, le club le plus punk de l'histoire du football de France, Monaco, eh bien, accrocher peut-être. Voilà, donc 0-0, c'est fait crocheter, oui. 0-0 à l'issue du match, ce n'est pas une excellente performance, comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'équipe de Claudio Ranieri. Cependant, à la faveur d'un goal average favorable, l'équipe de Monaco reprend la tête du championnat de Ligue 2. Donc, pour l'instant, reste dans ses ambitions et dans ses normes, disons. Mais on voit bien, et je l'ai vu sur le terrain, que tout le staff professionnel de l'équipe monégasque, merci, tout le staff professionnel, n'a pas l'air extrêmement enthousiaste. Alors, mais par contre, voilà, il y a toujours des gens qui font la fête dans ce stade Louis II. C'est extraordinaire de voir l'ambiance chez les supporters et l'ambiance chez les hommes d'affaires ici dans les loges et les supporters qui ont l'habitude de bien manger, de bien boire. J'ai aperçu la moue du président qui était ce soir présent. Vous savez que, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, le président du club monégasque actuel, Dimitri Ribolovlev, un russe, il y a peut-être un léger problème en studio, au stade. Qu'est-ce qui se passe, shérif? Magic? Bon, très bien. Je crois qu'effectivement, il fait pas très bon parler du président russe actuellement à Monaco. Je ne sais pas. On reprendra des nouvelles de notre duo de commentateurs plus tard, cher Brett. Simplement, on pensait que éventuellement le sujet de ce soir pouvait être Monaco et le punk, ou le punk et Monaco. On y reviendra certainement. Grâce à Magic. Ça aurait été marrant de faire un petit parallèle entre Sampaoli et Monaco. Magic, vous êtes de retour ou? Magic, apparemment... Je veux faire mon métier, excusez-moi, je veux faire mon métier. Oui, vous êtes toujours là? Bon, bien sûr, Magic, c'est peut-être pas le moment. J'ai été interpellé parce que je crois que dès que j'ai prononcé le nom du président de ce club, il y a certaines velléités comme ça qui naissent tout spontanément, notamment chez des grands costauds un peu blonds. Là. Je vous disais, donc Dimitri Ribolovlev, le nouveau président de ce club qu'il a racheté pour 200 millions d'euros. Je ne sais pas si on va en parler, mais voilà, c'est, je pense, l'homme le plus punk du football français actuellement. Il a acheté... Je voulais vous parler d'une jeune pépite quand même qu'on avait vue sur le terrain ce soir. Ah oui. Lucas Ocampos. Ce monsieur, le président Dimitri, on va l'appeler comme ça, s'est saigné pour acheter ce jeune joueur de River Plate en deuxième division l'année dernière. je regarde autour de moi, excusez-moi, c'est un peu tendu là ce soir. Donc une jeune pépite de 18 ans, l'année dernière il a claqué énormément de buts pour River Plate, et voilà, tout ça pour vous dire qu'avec l'appui de stars déjà existantes, vous savez que Monaco a acheté une dizaine de joueurs rien que pour l'intersaison estivale, plus les joueurs de la deuxième partie de la saison de l'année dernière. Donc on se retrouve aujourd'hui dans le club monégasque avec un effectif pléthorique qui est destiné à concurrencer les majors de la Ligue 1 et à se retrouver en Ligue des Champions l'année prochaine. Et on a là, je pense qu'on va en parler souvent, le jeune Lucas Ocampos, une petite merveille, une véritable pépite, 18 ans, donc il vient de fêter à peine ses 18 ans, sa première, sa toute récente majorité, et c'est une perle. Un niveau technique, un physique, une vista, un sens voilà, une intelligence sur le terrain, c'est assez incroyable. Voilà. Je tenais à vous dire ça. Il paraît que monsieur Dimitri, je ne sais pas si on n'en entend pas beaucoup parler en France, mais c'est une star mondiale puisque son divorce avec sa femme fait la une de tous les journaux de la planète occidentale et notamment et bien évidemment en Russie. Sa femme lui réclame la moitié de sa fortune, qui est quand même, il est régulièrement classé parmi les 100 plus grandes fortunes du monde depuis plus d'une dizaine d'années. Donc il est empêtré et il se dit ici à Monaco, d'après ce que j'ai pu entendre dire, que l'investissement de M. Dimitri dans le club monégasque, 200 millions d'euros, vous savez que c'est le budget le plus important du club du football professionnel en France. 200 millions d'euros, c'est juste pour réduire son patrimoine personnel afin que sa femme récupère moins d'argent. Voilà, je tenais à vous dire ça pour cette soirée dédiée au punk. Voilà, est-ce que le punk se marie toujours avec le football? Évidemment non, mais il y a quand même des petites choses assez incroyables à noter. On y reviendra, Magic. On fera un petit résumé de tout ça à l'heure. Merci, Magic, pour tout ça. On avait encore une question à vous poser, mais je pense qu'on va s'abstenir parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Je pense qu'on va faire peut-être une petite pause musicale et on revient à vous pour vous parler de notre prestigieux invité, Guillaume Ollendorff. I like the stories, I love the gun, shooting advertisements, I love the world of fun. But in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I do the run to fight, I do the run to fight, do the run. It's all I need right now to drive the fuck. To run to fight, to run, to fight. I said stop the hitting the kill. To run to fight. I've got a truck, my head's a mess. The only salvation is I'll never see you again. You get a hand, it makes it worse. Take out your fucking retainer and put it in your purse. I do drive the fuck. You do the right the fuck. Hey, on reste actif après une bonne bière, shérif. Alors très bien, on vient d'écouter un fameux groupe. Shérif, ils sont avec vous, je crois, également dans le spa en ce moment. Oh, il n'y a plus beaucoup de place dans le spa, les gars, et on vous a réservé des places, mais dépêchez-vous. Hein. C'est les dettes. Dead Kennedys, Too Drunk. Dead Kennedys était avec vous ce soir dans le spa. Too Drunk, les gars. Si on faisait un petit résumé de ce qu'on vient de raconter, cher Brett, on dirait que par rapport à notre problématique de ce soir, est-ce que le foot et le punk peuvent se marier? On a déjà vu que le shérif nous l'a démontré en plusieurs points, et surtout Magic, que Monaco était un exemple parfait de ce qui se faisait comme club punk dans le championnat de France. Un très bel exemple de foot punk. Mm. Une conclusion, un récapitulatif. On pourrait dire qu'on a ébauché une tendance qui pourrait être l'assimilation de valeurs communes entre le, pas l'assimilation, mais la naissance de valeurs communes entre le foot et le punk, par l'exemple de Sampaoli, peut-être plus que par Monaco, même si Monaco n'a rien envie à Sampaoli sur le... Ou alors plutôt l'utilisation du football, une vitrine évidente, par le mouvement punk. Tout à fait. Je pense qu'on est aussi dans ce phénomène-là. Est-ce qu'on peut imaginer une réciprocité aussi, docteur? Ah. On voit plein de joueurs de foot avec des coupes de punk. Alors, on en parlera. De faux punk. On en parlera. C'est une belle question. Oui. Voilà, on en parlera. On peut aussi réévoquer l'intervention d'Antoine Boot tout à l'heure, qui démontre s'il fallait que, en Belgique, littérature, football, les deux ensemble, ça donne une interprétation punk assez évidente. Et puis notre dernier invité prestigieux de la soirée, Guillaume Ollendorf, va pouvoir maintenant un petit peu réagir sur le contexte allemand en général et en bourgeois en particulier, Brett, sur ce contexte punk et un petit peu football également. Oui, donc on va ouvrir un nouveau chapitre de l'émission. Donc Guillaume Ollendorf, vous êtes traducteur, auteur et éditeur. Et conférencier. Et conférencier, bien sûr. Ah bah vous avez officié il y a quelques jours. On s'est régalé. Une très très belle conférence à la librairie Histoire de l'œil. On va commencer à se poser des questions sur le lien entre des bâtons d'Anguero et l'Histoire de l'œil, parce que beaucoup de gens ont passé par l'Histoire de l'œil. On fera l'enquête. J'ai entendu parler. On fera l'enquête. Mais on peut quand même dire que ce soir-là, les femmes sont tombées en Je ne sais pas comment dire. Il n'y avait plus beaucoup de place pour nous, c'est ça voilà, que vous voulez dire. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Il n'a jamais fait aussi chaud dans le jardin de l'Histoire de l'œil. Et on a vu des sous-vêtements passer le petit muret. Voilà. Il faut annoncer tout ça, et tout ça est dit maintenant. Donc Guillaume, vous voulez nous lire, enfin vous allez nous lire des extraits du livre que vous avez traduit pour les éditions Alia. Ben volontiers. Qui s'appelle Dilapide ta jeunesse. C'est ça, c'est un livre sur le punk en Allemagne. Il ne parle pas du tout de football. Un petit peu quand même. Les passages que vous avez choisis, je crois, semblent, en tout cas, au moins évoquer le mot football une ou deux fois. Alors moi qui ai quand même consulté ce livre pendant tout le week-end, hein, ça m'a pris un certain temps, mais c'était extrêmement intéressant. J'ai remarqué quand même que beaucoup de punks abandonnaient le football pour devenir punk, tout de même. Ah, c'est intéressant. Mais moi, je voyais ça plus comme une sorte de parcours. À l'adolescence, on fait du football, et quand on commence à devenir adulte, on boit de la bière, on prend de la drogue et on écoute du punk. Mais on peut continuer à jouer au football. Ah. On n'a plus beaucoup de temps ni d'énergie pour le football, peut-être. Ah, c'est ça. Guillaume, on vous écoute pour la lecture de deux extraits, je crois, de cet ouvrage. Alors écoutez, il y en a un gros et un tout petit. Très bien, on va commencer par le gros. On va commencer par le gros. Allez, on vous écoute. Le punk rock était en bourg extrêmement agressif. Il n'y avait aucun sens du jeu ici, mais j'aimais cet aspect des choses. C'était comme ça. La merde est interdite. Tu te baladais et tu faisais comprendre par ton milieu. Je vous trouve tous merdiques. Et considérer cela comme une déclaration de guerre. C'était le genre d'attitude qu'on testait. Il n'était pas du tout empiriquement prouvé que ce soit viable. Tout était dans le maintenant. Et à l'intérieur de ce maintenant, on se battait à propos du champ d'application de ces idées, jusqu'à se tabasser entre différents groupes. En fin de compte, pour des histoires de coupe de cheveux. Les Teddy Boys étaient alors sur le point de prendre la place des rockers. Une fois, j'ai été avec un ami au Angel Place. Mon ami n'était pas formellement un de ces Angels, mais on pouvait quand même le classifier là-dedans. Ça veut dire qu'il ne se serait pas passé grand-chose s'il avait regardé un motard de travers. Normalement, ça valait bien plus qu'un pain dans la gueule. Ils étaient très durs là-dessus. Chez eux, on se saluait en se mettant des vrais mandales. Boum! Et les vrais Ted, qui allaient de plus en plus dans la direction des rockers, ont adopté cette coutume. Ils se sont aussi salués en se mettant des claques sur le pif. A l'inverse, vers la fin 79, nous n'étions pas agressifs du tout. Nous avions juste appliqué à nous-mêmes cet habitus agressif. Mais en 79, les punks de la campagne sont arrivés, qui n'allaient au match du HSV que pour se battre. Et quand il y avait un concert, ils se passaient une épingle à nourrice à travers l'oreille. Ils ne venaient finalement que pour y chercher la baston. Parfois, on errait dans le Carolinenviertel pour les provoquer, emmerder les gens, détruire des voitures, briser des vitrines et des cabines téléphoniques, mettre le feu à une poubelle à papier. je ne sais même plus pourquoi, pour se marrer. Puis un journal a écrit qu'en Angleterre, les punks et les têtes se battaient, ce qu'au bout du compte, personne n'a remis en question. D'un seul coup, c'était fait, les punks et les têtes se haïssaient. Quand ils se rencontraient, ils se tapaient dessus. Il suffisait de voir une banane ou un punk, et ceux qui étaient en surnombre rossaient les autres. Les têtes étaient toujours au courant des concerts punk. Les alertes pour attaque de têtes étaient constantes. On se passait véritablement le mot parce que les punks ne devaient jamais rentrer à la maison à moins de 10, parce que les têtes attendaient toujours les gens isolés. Les têtes avaient le Elvis, c'est le Steindamm, pas très loin de la marque Thalle. Pendant que les punks attendaient le train de banlieue, il y avait toujours une brochette de têtes qui sortait du Elvis avec leur batte de baseball, vraiment. J'ai pris cher une ou deux fois. Le plus souvent, je me baladais avec des coquilles de hockey sur glace. Souvent, il y avait bien 100 à 200 têtes qui attendaient en face de la salle. Personne ne voulait se lancer et sortir les premiers. Les têtes étaient des vrais brutes. Aucun tête n'était gaulé comme Andreas Dorao, le petit punk. Ils étaient toujours aussi larges que hauts. Il fallait pourtant bien sortir à un moment ou à un autre. En fait, il y avait aussi beaucoup de policiers. Mais il fallait traverser la haie d'honneur des têtes. Le plus souvent, l'un d'entre nous commençait à courir. Et les têtes se mettaient alors à courir. Même dans le métro, c'était la cavale en folie. Rentrer dans le métro, en sortir. Même si j'avais une gigantesque trouille, je trouvais ça aussi exaltant. Souvent, il n'y avait pas vraiment de bastonnade, c'était plutôt du teasing. Ils m'ont cela dit coincé une fois. Quelques têtes entrent dans le wagon, je me fais tout petit, le col avec les badges dirigés vers l'intérieur. Mais ils viennent vers moi et me disent « Tu veux en prendre une ou quoi ?» Et moi, je dois descendre là, ma mère est malade. J'ai fait le numéro du pauvre garçon malheureux. C'était aussi un jeu. C'était une époque où les jeunes vivaient de manière fortement grégaire, popeux, Ted, Mod, Rude Boys, punk. Et le premier truc qui m'a impressionné dans la vie, c'était le punk. Bon, j'ai entre-temps ressenti tout cela comme extrêmement dangereux. C'était la véritable escalade. Bergdorf était le quartier chaud absolu, totalement interdit au punk. Une fois, un punk a été jeté sous un métro par les Ted. Il y a eu un gars chez les punks qui a perdu une jambe. Il a sautillé encore un moment avec nous, puis finalement, il a disparu. Ce truc avec les têtes, c'était comme l'apparition d'un fantôme. D'un seul coup, tous ces rockers étaient partout et s'étaient inventés les punks comme ennemis jurés. Je me souviens néanmoins de ce moment génial que j'ai vécu pendant un concert de Motorhead à la marque Thalle. Les Motorhead étaient au fond des motards à cheveux longs, mais ils jouaient si dur et si rapidement qu'ils en avaient l'attitude punk. Ils étaient du coup acceptés. Une quarantaine de têtes sont arrivées pour semer la terreur. Mais un peu trop tôt. Ils pensaient que ça commençait vers 20h alors que ça commençait plutôt à 21h. Il n'y avait pratiquement aucun punk. J'étais dans le hall d'entrée. Ils entrent en me passant devant et en un clin d'œil, j'entends un piétinement bestial. La porte s'ouvre et toute la horde de têtes part en courant, en pleine panique. Ils avaient toute la Motorhead crew aux fesses, Lemmy et Filthy Animal Taylor inclus. Ils leur couraient derrière avec des battes de baseball, des planches, des barres de métal. Dehors, ils en ont coincé quelques-uns sur une plateforme surélevée et ils les ont cognés. Quelques têtes ont volé sur toute la hauteur des escaliers en métal. Merci Guillaume pour ce premier extrait de Dilapide ta jeunesse de Jürgen Tappel. Brett, vous voulez rebondir, je crois. Juste demander peut-être quelques précisions pour nos auditeurs. Donc le livre s'appelle Dilapide ta jeunesse. C'est une histoire du punk en fait des années 60 à nos jours. Alors c'est des années 75-16 à 82-83. C'est vraiment une histoire du punk qui est racontée par ses acteurs, on va dire. C'est une collection d'interviews. On dit un livre choral de nos jours où ça a été remonté après, mais on a l'impression que tout le monde est dans la même pièce et continue la conversation. C'est thématiquement remonté. Le passage que je disais, bien sûr, était sur Hambourg. Et je n'ai pas donné les noms des gens parce que ça ne dit pas grand-chose à grand monde, mais c'était des différents punks hambourgeois qui parlaient là. Peut-être juste une précision, que sont les TED ? Alors les TED sont des rockers en mode, on va dire, classique, qui s'habillent comme dans les années 60. C'est un mouvement qui est né en Angleterre. C'est vraiment la banane, le scooter. Les blousons noirs, oui. Les blousons noirs, oui, c'est un petit peu les blousons noirs. Ils sont mieux habillés, ils sont plus beaux, plus chics. Lors de votre intervention dans un commerce dont on ne citera pas le nom une nouvelle fois, vous avez évoqué le punk, du coup, grâce à cet ouvrage et un autre ouvrage que vous avez commis aux éditions Ohlendorf et Dessin. Mais plutôt dans une globalité allemande, est-ce que le contexte hambourgeois offre une particularité ? Je pense que oui. Une des particularités de la ville à cette époque, dans les années 70, est son caractère extrêmement prolétaire, on va dire. Et tout ce mouvement punk qui s'est beaucoup développé à Düsseldorf et à Francfort et même à Berlin, qui étaient des villes qui avaient une culture soit de la musique, soit une culture politique anarchiste un petit peu différente, a eu beaucoup de mal à vraiment se mettre en place à Hambourg parce que très vite, c'est devenu une affaire de gauche prolétaire. Et donc, tout ce qui est musicalement dévié d'une question de mise en place d'un mouvement de gauche prolétarienne a été vivement condamné par la majorité des punks. Et donc, non seulement les punks se battaient contre les TED, comme je viens de le lire, mais ils se battaient beaucoup entre eux aussi. Très bien. Brett, une autre question ? Non, je me demandais si vous avez un deuxième extrait à nous lire. Il est très court, c'est juste pour... ça parle un petit peu de punk et de football. C'est vraiment très très court. Ça montre un petit peu les quelques soucis que pouvaient avoir certains groupes quand ils changeaient de ville, quand ils tournaient dans le pays. Toujours dans le contexte hambourgeois. Oui, plus ou moins. Vous allez voir. C'est un petit passage qui est dit par Blixa Bargel, qui est le leader d'un groupe allemand, qui s'appelle un groupe berlinois, pardon, qui s'appelle Einsturz in den Neubauten, et qui parle de sa tournée qui s'appelait Berliner Krankheit, quand il a tourné avec des groupes berlinois justement dans tout le pays. C'est vraiment court, j'en ai pour 30 secondes. On vous écoute. Pendant cette tournée Berliner Krankheit, nous sommes partout tombés sur des bouches bées. Dans la moitié des villes visitées, nous avons ainsi reçu le même accueil qu'à Hambourg auparavant. Et ça n'avait rien à voir avec ce que nous jouions ou comment nous jouions, mais uniquement avec un patriotisme local, le football et autres non-sens. Dans toutes les villes où la Bundesliga jouait un rôle, on avait le droit au Berlin ville de merde. Heureusement, nous jouions avec trois autres groupes et les gens pensaient souvent que le groupe d'avant nous prenait souvent le groupe d'avant nous pour les Neubauten. Ils se faisaient donc complètement démolir. C'était assez drôle de monter sur scène après et d'expliquer aux gens qu'ils avaient frappé les mauvaises personnes. Merci Guillaume, merci beaucoup. Docteur, vous aviez une question à poser à notre invité prestigieux, je crois. Oui, j'ai une question à poser à Guillaume. J'aurais voulu savoir en fait si le mouvement punk allemand était circonscrit aux frontières de la RFA ou si finalement, par exemple, dans le cas de Berlin, il y avait éventuellement des punks à Berlin-Est, par exemple. C'est une excellente question et oui. Il y a eu un mouvement punk en Allemagne de l'Est et notamment à Berlin-Est dès les débuts du punk, dès 77-78. Il y a eu une directive de la Stasi, je crois début 78 ou 79, qui disait qu'il fallait se débarrasser des punks avant 81. C'était une obligation pour les agents de la Stasi de mettre fin au mouvement, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Les premiers punks ont été battus, emprisonnés, etc. C'est assez beau, c'est vraiment des histoires, c'est vraiment des martyrs, les premiers punks. Et puis après, en fait, comme ils n'ont pas vraiment réussi à s'en débarrasser, à partir de 84-85, l'État a changé de stratégie et a décidé de sortir des disques punk lui-même. Donc la maison de disques d'État, qui s'appelle Amiga, a commencé à sortir des disques, bon, pas méchants, mais des disques un petit peu avec une tendance punk. Il y a eu quand même des espions de la Stasi qui ont monté des groupes pour faire tomber des gens et tout ça. Enfin, c'est vraiment une affaire assez incroyable. Je ne vais pas faire de la pub pour éditeur, voilà, mais vous en parler. Ouais. Il y a un livre chez Alia aussi qui s'appelle Too Much Future, qui parle du punk d'Allemagne de l'Est et qui est vraiment très bien. Vous êtes venu avec un morceau, peut-être. Oui, je suis venu avec un morceau. C'est une des personnes qui a parlé dans l'extrait que j'ai lu, qui s'appelle Godeux, qui est un membre du groupe... punk hambourgeois qui s'appelle les Coroners, qui est le premier groupe punk hambourgeois dès 76-77. Eh ben on va l'écouter tout de suite. C'est parti. Schulle fliegen, wenn du schwänzt, es auszuhalten, ist bloß dein Hörerschein. Da ist Wechsler, Schule fliegen, wenn du Schwänze saust zu halten, lass bloß an Hörer schalten. Scheiß, scheiß Penne, scheiß, scheiß Penne, ah! Scheiß, scheiß Penne, scheiß, scheiß Penne, au! Voilà, on écoutait Guillaume, on le rappelle, le groupe... Les Coroners de Hambourg. Très bien. Scheiß Penne. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup de cette intervention. Merci beaucoup. Merci. On avait encore beaucoup de choses à vous demander, mais le temps nous presse. Et je crois, cher Brett, qu'il est temps de donner la parole à notre très très beau ce soir. Il est extrêmement élégant. Le beau très, docteur. Très belle chemise du docteur, oui, ouais, ce soir. Ouais. Très très beau pantalon, belles chaussures. Toujours élégant. Eh bien oui, c'est l'heure de la chronique du docteur Lemann, donc on va rapidement vous présenter, c'est une coutume. Donc vous êtes un ancien chorégraphe reconverti à la géopolitique du football, et pour des bâtons d'Anguirou, vous nous écrivez des chroniques, et ce soir, c'est sûr. Ce soir, ce sera une chronique foot-punk. On vous écoute. À l'annonce du thème de l'émission du jour, les cheveux se dressèrent sur ma tête. Où diable allais-je donc puiser pour ne point offusquer mon large auditoire, ce public lunatique, aux inclinaisons multiples que la démagogie rampante de mon propos avait jusqu'alors mis au pas. Les deux activités mettant généralement à contribution des profils antithétiques, si ce n'est fondamentalement hostile, c'est tremblant et à grand renfort de 8-6, breuvage ayant récemment mais sûrement conquis les deux camps, que j'ébauchais l'impossible jonction. Du punk et du football, chimère matinée d'inceste, je ne garde qu'un souvenir. Ou de l'incongruité de la pratique footballistique affublée de Rangers. Comme je l'avais constaté, au hasard d'une rencontre improvisée, du beau temps où j'avais définitivement, croyais-je, catalogué le ballon rond comme un opium dont il fallait se défier. Point de vissé ni de moulé ce jour-là, mais bien du cousu main, du cuir marron retourné, du made in France, étroitement et parallèlement lassé pour se défier de toute interprétation nuisible. Faisant fi des passages cloutés, mon trop fin pied engoncé dans ses ballerines bunkerisées, j'en perdis mon allant pour l'avant, me faisant sentinelle de la virginité de mes propres filets. C'est donc sur ce terrain fleuri que je compris pourquoi j'étais ainsi chaussé et que je pouvais donc élire ce qu'il me faudrait piétiner. Entre noblesse et déchéance, des cuirs huilés au régime crétois, de Johnny à Jérôme Rotten, je me réjouis que le punk embrase le football et vice-versa. Eh ben c'est très bien tout ça, mon cher docteur. Merci docteur. On applaudit dans le studio. On applaudit. Je suis content d'ailleurs que vous fassiez allusion dans votre chronique à Johnny Rotten, un ailier gauche formidable de l'AS Monaco du début des années 2000 qui a parfaitement contribué à une campagne européenne assez magistrale. Il est vrai. Bon. Ce qui prouve une fois de plus le lien entre punk et Monaco. Surtout Johnny Rotten. Alors, Brett, avant de conclure cette émission, on a assez peu parlé de la Berrichonne. On avait un sujet vraiment conséquent sur... Un sujet bouillant. Voilà. Parce qu'évidemment, on fait une émission sur le foot punk avec un match Monaco-Châteauroux. Et quid de la Berrichonne, me direz-vous? Ben voilà, on a été une fois de plus pris par le temps. Moi, j'avoue avoir séché. Là, voilà. Là je suis désolé, j'ai séché. Bon, on avait pas mal de choses, notamment sur les liens entre Châteauroux et des expériences ostéopathiques, je crois. On avait pas mal de trucs comme ça. Tout à fait. Tout à fait. C'était un certain tonton Georges. Georges Giot pour la famille, mais on en parlera certainement mieux une autre fois. On aura l'occasion de reparler de Châteauroux, oui, certainement. Alors, ce qui ne va pas nous empêcher de jouer, une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, non, c'est pas ça qu'on devrait dire, puisqu'on a voulu prendre l'habitude, depuis le début de cette saison, de forcément jouer à chaque émission. Et ça a commencé très très fort la semaine dernière, avec le début, vous vous en souvenez certainement, docteur, du cadavre exquis de Thierry Roland, dont on ne relira pas la première strophe. Chacun s'en chargera, nos nombreux auditeurs. On peut d'ailleurs la trouver sur le blog de Débattons d'Anguirou. Excellent blog. On la lira peut-être à la fin, quand le jeu sera terminé, et qu'on lira l'intégralité de l'élégie. Hein. Vous aurez alors une grande barbe, mon cher Brett. J'espère avoir une grande barbe, j'y travaille. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 15 jours, on a donc lancé ce grand jeu concours du cadavre exquis de Thierry Roland. Une première strophe écrite par un dénommé Julien, qui préfère rester anonyme. avait un peu marqué les esprits. On a reçu presque une centaine de courriers, je crois. 123. 123 courriers. La sélection a été rude, Brett, mais... Ça a été dur, mais on a fini par en choisir deux. Deux belles strophes. On va dire ex aequo, comme il existe en 4-0 à 0. Nous en avons choisi deux et nous allons peut-être vous les lire. Oui, alors moi je vais lire la première strophe. C'est un des membres du groupe Der Projectivos, un groupe de musique expérimentale. Un jeune Toulousain qui a souhaité garder l'anonymat, qui s'appelle Alexis LM. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Ici, Gilardi, ce canard larqué ne se l'aide pas. Un monsieur 100 000 volts, c'est Montfort aux chaînes brisées. Mais par bonheur, il m'a tout appris. Et là, ça n'y est, c'est fini. Il a ravalé sa pomme d'Adam, en lui a le bœuf consent. Tu sais qu'au mano à mano, dans le bouillie et la fureur, il était chapatique, et un caca l'accueillera au firmament. Veni, vidi, vici. Belle strophe. Manuel, vous vous lancez pour la deuxième ? Allez, je me lance pour la deuxième, qui est, je crois, également. Alors là, le hasard a vraiment été de leur côté. Ils ont, je crois, très bien travaillé l'œuvre d'un des membres de Der Projectivos, un groupe qui va sans doute faire parler de lui dans les semaines à venir. Un groupe qui est très versé dans le cyclisme. Ah. Oui, fait la chanson cycliste. Très bien. Donc, on n'en parlera visiblement pas dans cette émission. Non, puisque certains des sociétaires du comité de rédaction refusent d'évoquer la petite reine qui, pourtant, nous n'avons pas les mains libres, cher docteur. Manuel. Alors, cette deuxième strophe est l'œuvre d'un certain Alexandre J. Je la découvre, donc vous m'excuserez pour les petites erreurs de lecture. Colonisons ton cadavre, aîné, et traçons des marques blanches. La Cora. Les feux follets, ô Prométhée, gisent dans les stades. Malheur à ceux qui, depuis la fondation, 1998, ne t'ont plus honoré, Roland. Le degré zéro du football action, mi-temps 4-4-2, sont autant d'hommages à ton épopée et à ta sémiologie du calcio, bible moderne s'il en est. C'est du très beau boulot, hein. C'est du très bon travail. C'est du très bon travail. C'est relevé. Hein. C'est relevé là. Je crois que les gars ont bossé deux semaines d'arrache-pied. Ils avaient plus que ça. Je crois que même les projets de Der Projectivos ont été momentanément suspendus. On s'excuse pour les fans, mais c'est vrai que c'est un joli travail. La barre est très très haute. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit, les amis ? C'est que dans 15 jours, nous nous retrouverons dans le même studio. J'espère que Magic et le shérif seront revenus de Monaco. J'ai l'impression que c'est pas très très très évident pour eux actuellement. Est-ce qu'on a encore une liaison avec les loges de Louis II ? Oui, vous m'entendez ? J'ai vu le voyant s'allumer. Est-ce que vous êtes là ? On est là, Magic. On voulait juste conclure avec vous cette très très très belle émission. Et un match de foot... Un match de foot très moyen. Ouais. Donc, on ne va pas, je pense, en reparler puisque. Non. Sans intérêt particulier. excusez-moi, j'ai pris froid. Vous savez qu'il y a 15 jours, on était en Suède et j'ai pris un peu froid. Il fait très bon ici, vivre à Monaco. Ça a l'air très chouette. Voilà. Je pense que c'était pas le plus grand match de l'année, mais ça nous a permis de mettre en abîme un peu la question moderne du punk et de son rapport au football. Dans 15 jours, nous nous retrouverons pour un super match dont on vous dévoilera l'identité en live directement. En tout cas, on va passer à un niveau supérieur. Excusez-moi. Le jeune blanc a eu des effets sur moi encore. Voilà. Je pense que... Merci Magic, écoutez, on peut aller se baigner. On va conclure ici dans les studios de Radio Galère sur 88.4 à Marseille en disant quoi ? Deux choses, c'est que dans 15 jours on se retrouvera Brett avec deux invités de très très haute volée et parce qu'il faudra pour eux être de très très haute volée parce que ce soir c'était du costaud. Il y avait du niveau. Le premier invité qu'on va avoir dans 15 jours c'est Luc Jander. On voulait vraiment l'avoir depuis longtemps, on l'aura. Enfin, il a accepté de venir. Joueur de foot émérite, écrivain, théoricien de qualité. Et nous aurons avec lui... Un certain Géraud. Alors Géraud est un artiste qui travaille sur énormément de choses. Il fait un boulot sur des soucoupes de tasses à café assez formidables. Mais il a également un travail de dessin sur les stades, une sorte de parallèle entre stade et cathédrale qui est extrêmement intéressant. Et on peut d'ailleurs quasiment ébaucher le prochain thème de l'émission. Tout à fait, mon cher Brett. Qui sera le stade de foot et l'art contemporain. Voilà, tout simplement. Je crois que le docteur part en excursion cette semaine afin de travailler sur ce projet. La destination de cette excursion, docteur, c'est... Oh, je connais bien les planches, mon cher Manuel, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Je trouverai une destination à la hauteur de l'événement. Allez, il faut qu'on clôture. On va remercier nos invités. Très bien, on remercie Guillaume. On remercie Guillaume. Merci. Vous êtes resté jusqu'au bout. Antoine Bout, bien sûr, pour sa petite apparition, mais fort, fort sympathique. Tout à fait. On va remercier les absents, Jens. Jens. Qui ou qui soit, on le salue. On remercie nos commentateurs de choc. On remercie le public. Emmanuel, merci et, à vous. Et puis merci à vous, cher Brett. Merci, docteur. On rappelle le blog http débattondanguirou.posterous.com. Et puis à dans 15 jours. Salut.